Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 59 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, faire parler les paysages, une série de Tao Favre réalisée par Assia Khalid et Séverine Cassard. Alors, si on vous raconte ça, c'est qu'à force de parler de la façon dont l'humain a bouleversé le climat et la planète, on s'est demandé ce qu'il restait des paradis perdus et de nature sauvage dans les forêts actuelles. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une promenade avec une forestière dans un désert vert, une forêt de pins Douglas, une plantation sombre rectiligne, pleine de ronces, une forêt dense et rentable où les animaux n'entrent pas et où les autres essences ne poussent pas. Mais pour commencer, on est face à un être. Des forêts en vie. On est dans les Vosges du Nord, à une heure de Strasbourg. Et en face de nous, il y a une dalle rocheuse, très impressionnante, avec un arbre qui a poussé juste en dessous et qui a épousé la forme de la roche. C'est quoi cet arbre ? Cet arbre, c'est l'espèce la plus représentée ici, le hêtre. Jean-Claude Génaud, écologue. Effectivement, il a fusionné. On a l'impression qu'il a épousé la courbure de cette falaise de grès. En fait, du grès qui contient des galets, qu'on appelle du conglomérat. Ici, dans les Vosges du Nord, s'il y a autant de forêts, c'est parce qu'on a des sols sablonneux très pauvres. La forêt a pu subsister jusqu'à aujourd'hui, malgré les défrichements dans le passé lointain. Et ça explique aussi l'importance du type de forêt qu'on peut trouver, c'est-à-dire de la hêtraie plutôt sur des sols acides. Le hêtre est très dominant ici. Il n'est pas le seul feuillu. On peut trouver des tilleuls, des merisiers, des chênes quand il y a assez de lumière. Et puis dans les vallons humides, des aulnes, des saules, ou voire des frênes quand les vallées sont plus larges. Mais sinon, tous les résineux que vous verrez ici, la plupart sont des espèces qui ont été introduites par l'homme au fur et à mesure de l'histoire forestière, l'histoire des hommes. On continue notre ascension. C'est une chouette qui niche, j'ai l'impression, dans cet arbre mort. Donc c'est un être qui est mort et qui a séché sur pied. Et j'ai l'impression qu'elle nichait dans le cœur du tronc. Bon, ici, probablement, ça devait être une chouette hulotte. C'est la chouette la plus commune en forêt. Mais dans ce secteur vivent aussi des hiboux grand-ducs. Alors, eux sont rupestres, ils sont attachés à des rochers, à des falaises. Il y a assez de rochers ici pour abriter une petite population du hibou grand-duc, qui est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Mais la hulotte trouve sa place ici. Alors, ce qu'il y a autour de nous, c'est une forêt qui a poussé sur une dalle rocheuse, puisqu'on vient de grimper pour arriver ici. Et ce qui est frappant tout de suite en termes d'ambiance, c'est des arbres morts, des arbres d'une certaine dimension, qu'on ne trouve plus guère dans les forêts exploitées, puisqu'on exploite jusqu'à un certain diamètre, on ne laisse pas vieillir les arbres. Au-delà, des chablis. Les chablis, c'est des arbres renversé par le vent. Vous en avez un très joli là, qui est relativement récent. La dernière fois que je suis venu ici, ça remonte à un peu plus d'un an, il n'y était pas. Et qui s'est écroulé en fait dans un reliquat de petites prairies qui a longtemps été entretenu par les hommes pour notamment attirer les herbivores, les ongulés sauvages, notamment le cerf qui est présent ici. Et ce qu'on est en train de voir là, dans cette reste de petite prairie, c'est l'avancée de la forêt. Et c'est un petit peu ce qu'on peut appeler une petite succession auquel on assiste ici, mais lentement. La forêt n'avance pas aussi vite parfois qu'on le croit. Elle avance, mais à son rythme, et elle profite là. Ce chablis va probablement accélérer le retour de la forêt en permettant à des semis de pousser dans l'enchevêtrement là, qui sert un petit peu de cage. Ils seront à l'abri peut-être de la morsure d'un herbivore qui mangerait la pousse terminale par exemple. Ils pousseront là dans ces systèmes de rémanents en cage. Les rémanents, c'est les arbres morts qu'on laisse sur place, enfin les branches, les houppiers, mais là c'est pas d'exploitation, hein. On ne coupe plus d'arbres ici depuis pas mal d'années, des décennies, et donc probablement que ça va accélérer le processus. En fait, ces vieux arbres qui se décomposent tout doucement, qui dépérissent et qui retournent finalement après au sol, à l'humus, ben, ce sont des arbres qui effectivement abritent des communautés qu'on ne voit absolument pas dans d'autres stades de la forêt. On ne les trouve pas évidemment dans les stades des jeunes forêts, ni même des forêts adultes gentiment matures. Il faut vraiment attendre les stades terminaux, on va dire, de la succession, avant l'effondrement de l'arbre, qui retourne à la décomposition et à la minéralisation de toute sa matière organique. Elle est laissée en libre évolution depuis combien de temps, cette forêt ? Elle est déjà mise hors exploitation depuis les années 60, en 1966. Qu'est-ce que ça signifiait pour les forestiers ? On est dans une forêt publique ici, hein, une forêt domaniale. Ça signifiait qu'on ne on la mettait pas en exploitation pour de la production de bois, mais on ne s'interdisait pas de couper des arbres pour des raisons dites sanitaires. Ça voulait dire quoi ? Dès qu'un arbre était sec, on le coupait. C'était la tradition, hein. On voit bien que là, les forestiers ont fait quand même beaucoup d'évolution positive, dans le sens qu'aujourd'hui, ben, ils conservent au maximum les vieux arbres, les arbres creux et les arbres morts, parce qu'ils savent qu'effectivement, dans les forêts tempérées, ce sont ces arbres-là qui abritent quasiment entre 25 et 30% de la diversité biologique forestière, c'est-à-dire champignons, lichens, insectes qui se nourrissent du bois mort, et aussi plein d'autres espèces. Là, on vient de voir une chouette qui s'est envolée tout à l'heure, mais ça peut être des chauves-souris, d'autres oiseaux cavernicoles qui ne creusent pas leurs cavités, donc qui trouvent dans les cavités naturelles des arbres qui se carient là de l'intérieur, les possibilités pour nicher. Donc toute cette diversité, ben, on la retrouve effectivement dans ces stades âgés. Et donc là, on peut dire que maintenant cette parcelle là, qui fait à peu près 11 hectares, elle est classée en réserve biologique intégrale. Il n'y a plus aucune intervention, donc là depuis un peu plus de 20 ans. La forêt augmente en France. Elle était d'environ 15% au 19e siècle de la surface nationale. Elle est aujourd'hui d'environ 30%. Charles Stepanov, ethnologue. Elle ne cesse d'augmenter, de gagner des centaines d'hectares chaque année. Alors comment comprendre ce phénomène ? Il n'y a pas là une contradiction. Pour moi, il y a là un même phénomène qui est, si l'on veut, d'un tassement, d'un regroupement de cette présence des arbres qui étaient éparpillés dans le territoire, la forêt linéaire, mais les haies, mais aussi les alignements d'arbres qui étaient extrêmement présents dans le Perche, par exemple, en Normandie, les prévergers, qui fait qu'on avait une diversité biologique très importante et qu'on voit sur les photos aériennes anciennes. Tout ça a été rasé, a disparu, et finalement, toutes ces arbres se sont regroupés dans la forêt bloc. Donc la forêt linéaire diminue, la forêt bloc augmente. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça fait que quand on regarde les vues satellitaires ou les photos aériennes, nous voyons croître des zones de forêt, donc des zones destinées à des espèces sauvages, qui n'échappent pas bien sûr pour autant à l'exploitation économique, qui sont souvent plantées. Hein, cette enforestation, elle correspond à un enrésinement dans beaucoup de cas, avec des plantations de résineux qui ont une croissance rapide mais qui sont beaucoup plus pauvres sur le plan de la biodiversité. Et puis, à côté de ces espaces-là, d'immenses espaces totalement nus avec de la monoculture que chacun peut voir en regardant par la fenêtre quand il prend le train ou quand il traverse l'autoroute. Donc un paysage dichotomique. D'un côté, les espaces sauvages, de l'autre, les espaces cultivés, qui incarnent, qui met en espace cette grande division identifiée par les anthropologues de notre cosmologie moderne, qui est celle de la séparation entre la nature et la culture. Nous la voyons mise en paysage. Dans notre partie du monde, la forêt est l'écosystème spontané. Elle est nécessairement le moyeu autour duquel se pense l'écologie. Mais qu'appelle-t-on forêt? Car il n'existe plus en France de forêt primaire. Et s'il faut 1000 ans pour faire une forêt mature, 79% de nos forêts en ont aujourd'hui moins de 100. Nous vivons dans un environnement juvénile. Le vivant n'a pas le temps ni l'espace pour exprimer sa puissance, son agentivité. Et s'il parle, c'est en chuchotant. Et, tandis que des collectifs comme l'ASPAS, Forêts Sauvages ou Forêts en Vie promeuvent par la maîtrise foncière des zones en libre évolution ou une gestion forestière douce, la forêt est en train de devenir le nouvel Eldorado de la finance. Après l'immobilier et la bourse, elle est le troisième placement des investisseurs. Au printemps, quand ils se baladent dans leur forêt, ceux-là regardent les bourgeons, ils ne voient plus le miracle de la future feuille, ils voient des billets. On est pile à la croisée de trois peuplements qui sont très différents. Quand on parle de parcelles forestières, on peut parler de peuplement. Nathalie Dollet, forestière. Devant nous, on a une plantation de Douglas, qui est vraiment l'arbre phare qui est planté aujourd'hui en Limousin. Sur notre droite, on a une couperase qui date de l'année dernière. Donc on voit encore bien les traces de l'exploitation, les ornières sur le sol, les brins qui sont restés un peu comme un champ de bataille sur le terrain. Et puis sur notre gauche, on a le peuplement qu'on peut rencontrer habituellement, qui correspond au paysage classique du Limousin, c'est-à-dire un taillis de châtaigniers avec du mélange. On a des bouleaux, on a du charme, on a un peu de résineux, mais en mélange. Voilà. Donc ça montre bien ici la... Voilà, ce qu'on pouvait avoir comme paysage avant que la couperasse se fasse et avant que l'enrésinement ait lieu sur la parcelle d'à côté. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé du Douglas. Donc c'est un résineux qui vient des États-Unis, qui a été implanté depuis un petit moment maintenant en France, et qui est un très bon bois pour la construction. Parce que naturellement, il est résistant, une fois qu'il est scié, il est plutôt résistant... à tout ce qui est champignons, insectes. Et c'est un bois qui pousse assez vite. Le souci, c'est pas le Douglas en lui-même. Le problème, c'est qu'il est systématiquement planté tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui, ce sont des plantations monospécifiques, avec une seule essence. Et que derrière, en fait, on crée des déserts verts, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de diversité qui s'insère dedans. Et que l'autre souci, c'est qu'il est récolté très tôt, puisqu'en principe, à 45-50 ans, on va le couper. Alors qu'un arbre... Surtout le Douglas à cet âge-là, c'est un adolescent en fait. C'est comme si voilà, on considérait que dans la population humaine, tous les gens qui sont entre 15 et 20 ans sont arrivés à maturité, quoi. Ce qui est une aberration, ils pourraient pousser beaucoup plus que ça. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a des arbres qui sont standardisés, qui ont tous la même taille. Donc on va les couper plus jeunes parce que derrière, les scieries qu'on a installées, les grosses scieries industrielles, qui sont inspirées du modèle finlandais, enfin en tout cas des modèles nordiques, elles sont bien plus efficaces sur des arbres qui sont eux aussi standardisés. Donc en fait, c'est pour alimenter cette filière-là qu'on crée des arbres standardisés. Et donc quand on décide de les récolter, il y a une machine qui vient, comment ça se passe? Alors c'est très variable. Ici, sur des petites surfaces comme ça, c'est plutôt des bûcherons qui vont travailler. Souvent ce sont des équipes des pays de l'Est qui viennent, voire des Portugais ou des Marocains. Enfin voilà, c'est pas des gens locaux, on les fait venir et vraiment ils travaillent à des cadences assez, assez soutenues. Et derrière, ensuite, c'est un débardeur, donc un gros tracteur qui va venir pour ramener les bois sur le bord de la route. C'est comme ça qu'on voit les ornières. Quand on est sur des surfaces beaucoup plus grandes, oui, à ce moment-là, ils font venir des abatteuses. parce que c'est plus rentable, ça va quand même beaucoup plus vite. Ouais, ça, c'est une abatteuse, c'est l'équivalent de 10 bûcherons quoi, sur une journée. Donc, C'est ces machines très impressionnantes qui coupent en une minute, qui coupent et débitent un arbre en gros. Ah oui, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit sur les images. Elles ont une espèce d'énorme pince avec des rouleaux donc, qui permet de tenir l'arbre pour le couper. Et ensuite, tout est électronique, donc s'ils veulent faire des billons de 2 mètres, la machine calcule, ça coupe à 2 mètres, etc. Donc pour faire travailler ces machines-là, ce qui est bien, c'est d'avoir des arbres qui font à peu près tous le même diamètre. Plus c'est régulier, plus c'est standardisé et plus le rendement va être important avec la machine. Il faut dire combien il est banal le paysage qu'on a en face de nous. En France, je crois qu'il y a un tiers du territoire, grosso modo, qui est de la forêt. Et dans ce tiers, la moitié est monospécifique. Le souci, c'est vraiment la gestion qui est faite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les peuplements, que les forêts soient les plus faciles possibles à mécaniser. Et que donc, du coup, on plante en ligne droite, on fait des parcelles qui sont très géométriques, c'est-à-dire carrés, rectangles, mais voilà, on fait peu de courbes. Et ce qui fait que dans le paysage, c'est très marquant. Dès qu'on a un peu de relief, ces bandes de plantation, elles se voient, mais vraiment très fortement dans le paysage, ça a vraiment un impact très important. Et quand on est sur... parce qu'il y a eu des essais qui ont été faits, parfois il y a une bande de résineux, une bande de feuillus, une bande de résineux, une bande de feuillus. Bon, là, c'est un pull à rayures, quoi. Quand c'est l'automne, il y a des feuillus qui changent de couleur. Enfin bon, il y a des choses qui sont plus ou moins heureuses, quoi, et qui ont un impact plus ou moins fort dans le paysage, ouais. Alors avant d'entrer dans la plantation de Douglas à côté de laquelle on se trouve, on peut peut-être dire un mot de l'état du sol de cette coupe rase. C'est vrai que quand on regarde de plus près, on s'aperçoit combien le sol a été retourné. Il y a des buttes de terre de 50 cm et on réalise à quel point, même si ici a priori il n'y a pas des machines énormes comme il peut y en avoir ailleurs, on réalise combien c'est violent pour le sol, ces coupes. Tout à fait. En fait, c'est bien le souci qu'il y a avec une coupe rase, c'est donc cette mise en lumière très violente du sol, qui n'est pas du tout naturelle pour une forêt. Et ensuite, il y a le passage des engins qui, même si ici, il n'y a pas eu forcément toute la panoplie des engins qui passent habituellement en forêt, on constate bien que si on fait... l'opération du débardage, donc de sortir les bois et de les mettre en bord de route pour qu'ils puissent ensuite être chargés sur un camion. Si on réalise cette opération sur un sol qui est humide, en pleine période de pluie, on se retrouve avec des engins qui s'enfoncent, qui font des ornières, et ça, pour le coup, le sol, typiquement dans les ornières, il n'y a rien qui va pousser, quoi. En tout cas, pas avant très très longtemps. Un endroit où on est entouré de 3, 4 hêtres qui sont particulièrement gros. Quel âge ils ont, ces arbres ? Alors, probablement, là, celui qu'on voit devant nous, là, il a déjà largement dépassé le stade où il aurait dû être récolté par les forestiers à l'époque. Et il est bien possible qu'il ait atteint l'âge de 140, 150 ans. Ce qui déjà... pour un être ici et un âge relativement vénérable. Donc là, c'est impressionnant de voir ces gros arbres et de voir aussi le fait que au sol, on a des très gros arbres morts. Et ça, c'est la caractéristique aussi des sites en réserve intégrale. Pourquoi ? Parce que du bois mort, on en trouve même dans des forêts exploitées. Comme je l'ai dit, les forestiers ont fait des efforts dans les dernières décennies, laissent des houppiers, laissent des branches, laissent même des arbres en debout, comme cette chandelle. Ça, c'est ce qu'on appelle une chandelle. Quand elle a perdu une grosse partie de son houppier qui est tombé, là, on le voit là, ça, ce qui reste debout, c'est la chandelle. Alors, beaucoup de chandelles en forêt maintenant, même exploitées. Mais c'est souvent des arbres de petit diamètre, ou de diamètre plus modeste que ça. Et pourquoi c'est important d'avoir des pièces comme ça, des morceaux de gros arbres morts, donc qui fait celui-là fait bien 80-90 cm de diamètre, ce qui est déjà assez important, eh bien c'est qu'on ne trouve pas les mêmes espèces qui vivent dans des gros arbres morts que dans des petits. Et ce que nous disent les scientifiques, ben, c'est que ceux qui ont étudié les traits, il faut des arbres morts au sol ou debout de tout type de diamètre. Et... Est-ce que si on va voir la partie là, du tronc qui est au sol et qui est en train de se décomposer, on va voir ces insectes? C'est pas forcément évident de les voir comme ça, parce que... Allons gratter un petit peu et tu nous dis ce que tu vois. Alors ça, c'est la grande caractéristique aussi du bois mort, c'est que c'est des pompes à eau. Ils gardent l'eau. Là, il y a eu beaucoup de pluie cet automne et pendant l'hiver, il y a eu de la neige, chose qu'on n'avait plus depuis très longtemps ici. Et tous ces arbres morts ou debout, en tout cas au sol, pompent l'eau, gardent l'eau et la restituent après. C'est extrêmement important d'avoir du bois mort au sol, pas seulement parce que ça enrichit le sol forestier. Il faut bien avoir conscience que la forêt, c'est un système écologique qui fonctionne en circuit fermé. C'est les brindilles, les feuilles, les arbres qui se décomposent et qui redonnent la richesse organique transformée donc par tous les décomposeurs en richesse minérale au sol. Et il n'y a pas d'engrais en forêt. Et donc l'eau aussi, c'est important. Surtout dans une période comme en ce moment où on risque de connaître des sécheresses. Hein. On vient de subir, nous ici, dans cette région, 3 années quand même relativement sèche, donc les 2 dernières encore plus. Donc si on doit avoir encore des sécheresses, c'est extrêmement important de garder du bois mort, parce que le bois mort, c'est vraiment la garantie aussi d'avoir de l'eau, de l'humidité. Là, je ne sais pas si on la verrait, mais j'ai pas envie non plus de tout transformer, mais on peut trouver par exemple des salamandres qui se réfugient dans le bois mort. Or, la salamandre, toute personne... qui connaît un peu les amphibiens, ça cherche l'humidité. Mais l'humidité, elle le trouve dans le bois mort aussi, pas seulement dans les ruisseaux. Dans la plantation. C'est pas une grande surface de plantation. Les lisières font qu'il y a encore... des oiseaux et de la faune qui vient, mais qui ne s'installe pas, qui ne reste pas. En fait, elle est de passage. Donc là, on est rentré dans la plantation. On constate quelque chose de très rectiligne. Hein. On est vraiment sur des lignes de plantation. Et là, on s'est arrêté dans un layon. En fait, c'est une zone où les arbres ont été coupés pour permettre le passage justement des engins. Donc en gros, on laisse 4 lignes de plantation, 4-5 lignes de plantation, et on refait un layon pour permettre le passage des engins. Donc ce qu'on constate, c'est que c'est très sombre, c'est vraiment branchu très très bas, et le sous-bois, c'est exclusivement ici de la ronce. Voilà, donc il n'y a aucune autre essence que le Douglas. Et s'il devait y avoir autre chose qui pousse, ça serait de toute façon coupé. Parce que la volonté n'est pas d'avoir de la diversité, c'est vraiment d'avoir un maximum de place pour le Douglas. Donc c'est assez dense, hein. Vous voyez, il y a quoi ? Il y a 2 mètres entre chaque pied, 2-3 mètres. C'est pas des forêts où on a envie de se promener, en fait. Enfin, clairement, ça n'invite pas à la promenade. Nathalie, dans ce genre de plantation, la tendance, c'est de les gérer comme des champs, enfin comme l'industrie gère des champs, c'est-à-dire de mettre des engrais, d'utiliser des herbicides, d'utiliser la chimie de manière à obtenir des rendements les plus grands possibles. Oui, ça peut arriver. Alors, c'est pas encore systématique en forêt, hein, l'utilisation des produits phytosanitaires. Heureusement, c'est pas encore, encore devenu, parce que mine de rien, ça a un coût. Mais effectivement, tout à l'heure, on parlait du sol qui a été malmené par le passage des engins, par la mise en lumière brutale. Et je vous disais, dans certains cas, on peut avoir donc un sol qui est travaillé. On a d'abord mis tous les rémanents de bois en tas, et puis on travaille le sol, et derrière, on replante. Et souvent, ce travail du sol, il appauvrit quand même pas mal le sol forestier, qui n'est pas un sol fait pour être travaillé. Et derrière, ben, du coup, si on veut avoir des résultats de pousses un peu intéressants, il est tout à fait possible de prévoir des engrais. Et comme on est sur une plantation d'une seule essence monospécifique, on peut aussi avoir des traitements. Parce que s'il se développe une quelconque maladie ou s'il arrive un quelconque insecte sur ce peuplement, on a bien conscience que c'est la totalité des arbres qui vont être touchés, puisqu'il n'y a que ça, qu'il n'y a pas de diversité. Et que donc, effectivement, ça peut être assez catastrophique. Champignons typiques qui se développent sur le bois mort, soit quand ils sont debout, soit comme celui-là au sol, c'est les Fomes. Là, il y a deux variétés, il y a Fomes tomentosus et Fomes pinicola, qui est beaucoup plus coloré, assez joli d'ailleurs. Ça ressemble un petit peu à une langue. Exactement, ça ressemble à une langue. Et là, je pense qu'on avait des pleurotes qui sont maintenant totalement décomposées, qui sont aussi des champignons qui se développent sur le bois mort. Alors j'ai dans ma main un morceau d'écorce décomposée avec cette odeur si caractéristique de l'humus. Comment tu la définirais cette odeur ? C'est un sol, c'est une odeur terreuse, mais terreuse agréable. On ne sent pas non plus une odeur de champignon, c'est très doux. C'est de là en faire un parfum, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, très agréable. Le bois mort, c'est vraiment la base des chaînes trophiques, ce qu'on appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire les chaînes par lesquelles les êtres vivants s'alimentent les uns les autres de manière hiérarchique jusqu'à ceux qui sont tout en haut de la pile et qui mangent tous les autres. C'est le stade, on va dire, ultime des nombreuses chaînes alimentaires qui existent en forêt. On ne s'en rend pas compte, mais une forêt même simple comme celle-ci, avec une espèce dominante, le hêtre, c'est un milieu extrêmement complexe, avec plein d'interactions. Il y a des interactions entre les arbres eux-mêmes, c'est-à-dire des individus différents d'une même espèce, entre espèces différentes, entre les végétaux qui sont dans la strate herbacée, le sous-étage, et les grands arbres, entre les arbres et les animaux. Et il faut bien voir qu'il y a des animaux disperseurs, des animaux comme l'écureuil qui transporte des fruits, le geai qui vit carrément en symbiose avec le chêne, qui transporte les glands dans son jabot et qui va loin du front de colonisation naturel d'un chêne, puisque comme ses fruits sont lourds, il ne peut se reproduire que pratiquement à proximité de lui-même, et bien cet oiseau va les transporter très loin, les oublier, les enterrer, permettre à cet arbre de gagner et de coloniser des endroits loin de son lieu de naissance et d'origine. Il y a les grands herbivores qui mangent effectivement les jeunes pousses et qui finalement sont un peu ce qu'on appelle des architectes de la forêt, qui sélectionnent finalement les arbres qui vont se développer. Ici, le sapin, par exemple, quand il pousse, parce qu'il a été un peu favorisé, même s'il n'est pas vraiment dans son milieu franchement naturel dans les Vosges du Nord, il atteint un peu une limite au niveau de la pluviométrie. Hein. Il lui faut pratiquement 1000 mm d'eau, si on ne les a pas, on est un peu en dessous. Et donc, en mangeant le sapin au détriment du hêtre, ben, ils favorisent encore plus l'apparition du hêtre. En mangeant le chêne, pareil, etc. etc. Donc, toutes ces interactions, si on les relie avec des flèches, on obtiendrait pour une forêt un tissu comme ça d'interaction, de croisement, qui fait que la forêt, c'est quand même le milieu naturel le plus complexe qui puisse exister. Par rapport à une prairie, par rapport à un lac, par rapport à d'autres types d'écosystèmes. Bon, le titut, ça c'est la maison charbonnière, une espèce que tu peux rencontrer pas seulement en forêt, mais dans les jardins, dans les parcs urbains. La forêt où nous sommes se trouve donc, je l'ai dit tout à l'heure, un peu sur une plateforme rocheuse de grès, qui se trouve en moyenne altitude ici, autour de 300-320 mètres d'altitude. Voilà. D'ici, c'est intéressant parce qu'on est sur la frange, on va dire, sud du massif des Vosges du Nord. Et dans les chancrures que vous voyez là, bah, au loin, on peut voir Strasbourg, à peu près 60 km au nord-ouest. Et devant nous, bah, on voit la hêtraie qui s'élargit un peu plus. Et on voit surtout la diversité des diamètres maintenant. Donc on a des très gros arbres, on a des arbres de diamètre plus modeste et on a aussi des jeunes arbres qui poussent. Donc on a un petit peu tous les stades là et c'est ça qui est intéressant. Mais ces hêtres-là par exemple, il leur faut effectivement la lumière qui vient là de la lisière pour se développer. Si on était sous une canopée dense, ben, ils ne bougeraient pas pendant un bon nombre d'années, quoi. Nathalie, quel est le contexte général de la sylviculture ? En quoi les forêts françaises sont en train d'être industrialisées ? Il y a une politique déjà qui a été menée depuis plusieurs années, puisqu'il se passe aujourd'hui en forêt ce qui s'est passé en agriculture dans les années 50-60. Quoi. C'est qu'on a vraiment la volonté de faire... De faire que l'industrie du bois soit une filière compétitive et génératrice de revenus, de bénéfices. Et que pour ça, on a vraiment poussé les gens à se moderniser. Donc beaucoup de villages, beaucoup de secteurs ont perdu leur petite scierie qui était locale et qui permettait à tout le monde d'aller faire scier son bois, d'avoir son petit morceau, pour installer ce qu'on appelle des canteres. Donc ce sont des énormes usines qui sont implantées... dans des régions quand même assez forestières et qui consomment énormément de bois, mais qui font qu'on ne travaille plus les bois en fonction de chaque pied, chaque morceau de bois. Là, il faut que les bois ils soient standardisés pour pouvoir avoir un rendement le plus important possible. Et du coup, on perd de la diversité aussi dans les produits qu'on peut faire, puisqu'on a des bois qui sont petits, donc on ne peut plus faire ce qu'on fait dans les gros bois. Et puis derrière, on a demandé aux gens... qui travaillaient en forêt, les entrepreneurs de travaux forestiers, de se moderniser aussi parce qu'il faut pouvoir fournir du volume à ces grosses scieries industrielles. Et donc on leur a demandé de se mécaniser. Et on se retrouve donc dans un système que l'agriculture a connu, c'est-à-dire des gens qui s'endettent pour pouvoir être au top de la technologie, de ce qu'il est possible de faire, des usines derrière qui transforment, qui scient le bois, qui ont besoin de quantités de bois astronomiques. Ce que fait un petit scieur en une année, c'est ce que va faire une usine industrielle, même pas en une journée, en bien moins qu'une journée. Donc voilà, c'est vraiment des quantités de bois très importantes. Et puis derrière, il y a une demande aussi de bois, ou en tout cas on propose aux gens des bois, qui sont très uniformisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des bois qui ont des singularités, qui vont avoir des nœuds, qui vont avoir un veinage d'une certaine couleur, enfin ce qui fait la typicité et l'originalité du bois, tout ça c'est gommé. On fait croire aux gens que le bois, il n'y a pas de nœud, c'est blanc, c'est... Voilà. En gros, j'ai rien contre IKEA, mais en gros, on fait croire aux gens que le bois, c'est du IKEA. Tout ça, c'est une vraie volonté qui a été de dire, on va moderniser la filière forêt-bois pour qu'elle devienne compétitive, compétitive avec des pays en plus, parce qu'on a pris beaucoup de choses dans les pays nordiques, comme je disais tout à l'heure, qui ont des forêts qui ne sont absolument pas comparables avec les nôtres. Nous, on a 147 essences d'arbres différentes. Eux, ils en ont 3 ou 4. On ne peut pas comparer. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on veut faire rentrer nos forêts, qui sont très diversifiées, qui ont une richesse énorme, dans des critères qui ne lui correspondent pas. Si on continue ce mode de gestion sur, imaginons, sur toutes les surfaces de forêt, on va droit dans le mur. Si nos anciens, ils avaient pratiqué cette sylviculture il y a 50-60 ans, on n'aurait plus un seul gros bout de bois à couper, on n'aurait plus beaucoup de diversité, ça serait une catastrophe. On est dans un contexte aujourd'hui qui est très différent d'il y a quelques années, c'est que la forêt, elle reçoit de plein fouet le changement climatique et l'augmentation des températures. Ça se voit vraiment physiquement sur les forêts. Et plus on sera sur des forêts qui seront artificialisées, plus on aura de problèmes. Plus on sera sur des forêts qui sont diversifiées, que ce soit en essence ou en âge, plus la forêt sera résiliente et mieux on pourra voir quelles sont les essences qui vont pouvoir s'adapter, quels sont les peuplements qui vont réussir à mieux résister aux aléas climatiques qu'on veut connaître, et qu'aujourd'hui on prend vraiment le problème dans l'autre sens et que malheureusement ça s'accélère. Alors on est en face d'une contradiction énorme. Mathieu Calam, agroécologue. Le réchauffement climatique va bouleverser les climats. Donc par exemple, quand je plante un arbre aujourd'hui, est-ce que je le plante dans les conditions d'aujourd'hui, dans les conditions auxquelles il sera soumis dans 100 ans, et est-ce qu'il pourra s'y adapter? En fait, pour dire brutalement les choses, c'est à 60 ans qu'il fallait réagir, et on connaissait. Là, on est rentré dans le changement, le fameux effondrement dont on nous parle souvent, on est dedans, hein, c'est ce délitement, etc. Et on a beaucoup moins de solutions que celle qu'on pouvait mettre au point il y a 60 ans. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que les gens se rendent compte que maintenant, la situation est dès à présent dramatique. Donc là, on va monter, on va sans doute exploser le plafond des 2 degrés. Et je vais être honnête avec vous, aucun agronome dans ces conditions ne peut dire exactement à quoi ressembleront les écosystèmes. Parce qu'il faut imaginer, chacun d'entre vous a sans doute connaît cette expérience, quand vous avez une voiture, vous êtes en voiture, que vous avez un choc. L'un des problèmes, c'est pas seulement les commotions que vous pouvez avoir en vous cognant, c'est que vos organes n'ont pas la même inertie. Donc vous pouvez avoir des déchirements internes sous le choc, c'est-à-dire que concrètement, la densité de votre poumon n'est pas la même que votre cœur, donc là où ils sont en contact, vous avez des déchirements. Et bien un écosystème, c'est exactement la même chose. On est en train de rentrer dans le mur climatique. Simplement, les insectes ne se déplacent pas de la même manière que les arbres. Donc quand on nous dit « Ah ben le système méditerranéen va se retrouver en Bretagne », sauf que non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Les insectes méditerranéens vont bouger très vite. Mais le chêne vert, il va pas se recréer une forêt de chêne vert en Bretagne dans le même temps que les insectes vont monter. Et personne ne sait quelle va être l'interaction entre ces insectes qui montent et les arbres en stress hydrique qu'ils vont rencontrer. Vous avez maintenant des forêts de chênes en Bretagne, donc vous voyez très nettement qu'elles ont des signes de sénescence du sommet. C'est-à-dire que vous avez des chênes de 2 siècles qui sont en train de mourir par le sommet parce qu'ils ne supportent plus les stress hydriques. Donc, si demain un agronome vous dit « je sais exactement dans quelle situation on sera en Bretagne en 2060 », je pense que cette personne vous ment. Il ne sait absolument pas comment on va s'en sortir. On a mis en branle un mécanisme qui fait que nous allons le subir et c'est nous qui nous adapterons à lui et pas lui à nous. Et là, on reboucle. Tout le projet de l'industrialisation était de dire « je peux remplacer tous les systèmes par des systèmes pilotés par l'homme ». Eh bien, c'est faux. On va subir le fait qu'on va être soumis à l'évolution de Gaïa suite à notre comportement irresponsable. On est dans un contexte de transition énergétique où il va falloir arrêter les énergies fossiles. Le bois, la biomasse, sont présentés comme des ressources renouvelables. Du coup, il y a une pression avec cette histoire de transition énergétique énorme sur la filière bois, sur la sylviculture, qui n'existait pas il y a 10 ans encore. Clairement. Et c'est pour ça que il y a une accélération aussi de ces coupes rases, c'est qu'il y a un gros besoin, notamment au bois de chauffage, et surtout les plaquettes, qui c'est vraiment la grande mode. C'est vraiment le grand souci, parce que pour le coup, on va aussi accélérer. Comme on n'a pas besoin que ce soit des gros bois pour pouvoir répondre à cette demande, ben on accélère le passage. On va couper des bois de plus en plus jeunes, de plus en plus petits, pour pouvoir répondre à cette demande. Que ces arbres, ils auraient peut-être pu faire des arbres de bois d'œuvre, c'est-à-dire des arbres qui ont été transformés en maisons, en meubles, en tout ce qu'on veut, donc qui auraient conservé donc, le carbone dont ils sont constitués. La forêt ne pourra pas répondre, on est de plus en plus nombreux, elle ne pourra pas répondre au chauffage de tout le monde. Et puis en plus, c'est pas forcément facile de se chauffer au bois partout. Enfin, les gens qui habitent en ville, ils le mettent où le bois. Alors il va y avoir, on peut créer des chaufferies, ce genre de choses, mais ça consomme énormément de bois. Et le problème aussi, c'est que le carbone qui est libéré quand on brûle le bois, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que le carbone principal de la forêt, il est contenu dans le sol. Mise en lumière brutale du sol, on déstructure complètement, tous les micro-organismes meurent, et là, il y a une libération du carbone qui était contenu dans le sol, dans l'atmosphère, qui est énorme. Il y a un gâchis de bois aujourd'hui qui est monumental. Et la filière commence à râler parce qu'il manque de bois de qualité pour pouvoir alimenter des filières qui ne sont pas forcément bois de chauffage. Mais arrêtons de gâcher du bois déjà. Préserver la forêt, c'est déjà ne pas la couper n'importe comment. Préservons ce qu'on a. La forêt, elle nous a déjà tout donné. Elle est déjà là, elle est déjà en place, elle est mélangée, elle est diversifiée dans les âges, dans les essences et dans les diamètres. Et préservons ça plutôt que de couper et de derrière replanter. Je dis pas qu'il faut pas planter du tout, mais il faut que la plantation soit vraiment réservée à des situations bien particulières où on est dans des impasses sylvicoles, où on a sur des peuplements où ça va être difficile de faire autrement, mais c'est pas du tout quelque chose qu'il faut généraliser. Au contraire, on fait bien plus de mal en coupant tout et en replantant derrière qu'en essayant de conserver ce qu'on a déjà. C'est une aberration, enfin, si, qu'elle soit écologique ou économique, hein, même économiquement, c'est sur le long terme, c'est pas un modèle qui est viable. Programme national de la forêt et du bois 2016-2026. Compte tenu de la richesse de la forêt française, l'objectif central du Programme national de la forêt et du bois est de créer de la valeur et de l'emploi en mobilisant la ressource disponible dans le cadre de la croissance verte et en garantissant une gestion durable en coadaptant forêt et industrie. La filière forêt-bois est l'un des piliers de la bioéconomie. L'amont forestier est confronté aux incertitudes du changement climatique. Le contexte économique est de plus en plus fortement concurrentiel. Tous les maillons de la filière doivent donc innover pour s'adapter aux changements et se développer. Le terme de bioéconomie, alors évidemment ça pourrait être un terme excellent s'il signifiait, comme le souhaitait René Passet, faire rentrer l'économie dans la biologie. Mais c'est pas ça, on l'a bien compris, c'est de faire rentrer la biologie dans l'économie, qui est le projet de la bioéconomie. Alors en général, ça va de pair, la bioéconomie, avec le fait que il faut une croissance de la masse monétaire, du capital. N'ayons pas peur des mots. Donc une fois que vous avez marchandisé des choses simples, vous essayez de marchandiser encore plus de choses. Donc l'avenir d'une croissance illimitée du capital, à un moment ou à un autre, c'est de marchandiser même le bisou que le petit-fils fait à sa grand-mère. Là, évidemment, quand il y aura transaction financière entre un petit-fils et sa grand-mère pour se faire un câlin, là, ce sera le top. Et donc, en général, derrière la bioéconomie, c'est comment on va rendre marchand toute une série de fonctions écologiques qui n'étaient pas. Alors, on l'a déjà fait en partie, puisque par exemple la reproduction des semences, on a réussi à mettre des brevets, enfin, je ne vous fais pas de dessin, hein. Et on va distinguer l'économie de la finance. En fait, en général, quand les gens vous parlent d'économie, ils parlent de financiarisation du monde, hein. Il faut pas se voiler la face. Il ne s'agit pas du tout d'économie au sens d'Aristote, mais de crématistique au sens d'Aristote, qui est l'appât du gain. L'agroécologie, elle dit très clairement qu'elle veut faire rentrer l'agriculture dans le fonctionnement de l'écosystème. Donc, conformément à la vision de Passet, le développement durable, c'est pas trois cercles qui se croiseraient, c'est de faire rentrer le cercle de l'économie dans le cercle de la société, de faire rentrer le cercle de la société dans le cercle de l'écosystème. Et finalement, l'agroécologie, c'est cette réponse en agriculture, c'est comment on va faire des agrosystèmes qui respectent les lois des écosystèmes, qui en général par mimétisme s'approchent des écosystèmes. Donc effectivement, là, on a une opposition, mais vraiment dramatique entre deux visions du monde qui, encore une fois, ne peuvent pas coexister. Nathalie, on a quitté notre plantation de Douglas pour aller dans une forêt, cette fois-ci, une vraie forêt, en gestion douce. Là, donc, du coup, on est dans un peuplement de feuillus qui sont mélangés. Donc, autour de nous, on a du noisetier, on a du charme, on a du châtaignier. Tout ça, c'est pour le sous-étage. Et puis après, dans l'étage qu'on va appeler dominant, c'est-à-dire les plus grands arbres, on a du chêne, on a du bouleau, on a du merisier. Et on a toute une diversité, on a un hêtre là-bas, toute une diversité qui s'est installée. Et puis surtout, la grosse différence qu'on peut voir par rapport à tout à l'heure, c'est au niveau du sol, puisque dans la plantation, on avait exclusivement de la ronce. Et là, on voit qu'on est sur un sol qui est beaucoup plus vivant. Déjà, il a beaucoup plus de lumière, puisque le feuillage laisse passer bien plus le soleil. Et donc au sol, on a plein de semences, de petits plants, en fait. Donc là, on voit, il y a du chêne, il y a du châtaignier. Il y a du hêtre, enfin, il y a de la ronce, il y a du lierre, il y a des fougères. C'est un sol qui est beaucoup plus vivant, avec une beaucoup plus grande diversité. On n'entend plus du tout les mêmes oiseaux que tout à l'heure quand on était dans les résineux. Il y a une beaucoup plus grande diversité. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. On a beaucoup plus d'animaux qui sont dans ces peuplements-là que dans les plantations de résineux. Et la volonté, c'est vraiment de respecter la forêt, qui finalement est notre support de travail, c'est notre outil de travail. Donc à partir du moment où on le malmène, ben on peut pas avoir des résultats qui sont intéressants. Et le fait de travailler sur le temps long, c'est vraiment avoir une bonne connaissance aussi de la vie d'un arbre. De quoi l'arbre il a besoin, à quel moment on peut considérer qu'il est à maturité, et pourquoi on le récolte. Quand on est en gestion douce, on récolte un arbre pas parce qu'on a décidé que c'était comme ça qu'il fallait le couper, etc. On travaille au profit toujours de quelque chose. C'est-à-dire que si on coupe un arbre, c'est soit parce qu'il est arrivé à maturité et que c'est le moment de le récolter, et qui du coup, en le récoltant, on va faire de la place pour qu'il y ait la régénération qui arrive. Soit on va enlever un arbre parce qu'il en gêne un qui est plus beau que lui, et que l'objectif c'est d'améliorer aussi la forêt, donc de laisser pousser un bel arbre, de le laisser grossir et d'enlever un qui le gêne, soit parce qu'il peut être aussi malade, parce qu'on peut avoir des problèmes de champignons, de maladies. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs critères qui font qu'on récolte un arbre, mais on récolte souvent un arbre au profit de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va travailler pour ce qu'on va laisser. Qu'est-ce que la gestion douce suppose en termes de débardage et en termes aussi d'organisation de l'espace forestier ? Pour le débardage, gestion douce ne veut pas forcément dire on interdit complètement la mécanisation. On ne débarde pas que à cheval dans de la gestion douce. Ça peut être aussi un couplage des deux. On peut faire du débardage à cheval pour ramener les bois dans un endroit où le tracteur va pouvoir plus facilement le reprendre. Gestion douce, ça veut dire vraiment raisonner en fonction de ce qu'on a et non pas vouloir amener systématiquement la forêt vers ce qu'on veut. on part de ce qu'on a et on voit ce qu'on peut faire pour ce peuplement, pour l'améliorer bien sûr, parce que la gestion c'est quoi? C'est pouvoir aussi s'approvisionner en bois. L'objectif final, la forêt, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de sortir des produits de cette forêt. Donc l'idée, à chaque fois, on travaille toujours pour nous. Mais c'est de l'améliorer pour qu'elle puisse, dans le temps, nous donner les produits dont on a besoin. Et la gestion douce, c'est aussi conserver un couvert forestier permanent. Et donc vraiment travailler dans tous les étages de la forêt. Dans les grands arbres qui vont donner souvent le bois d'œuvre, mais aussi dans le taillis, dans le sous-étage, qui va donner plutôt du bois de chauffage ou du bois de trituration, qui sont un peu moins de moins bonne qualité. Et l'idée de la gestion douce, c'est de capitaliser en plus du bois. C'est-à-dire qu'on va laisser grossir des bois, donc on aura de plus en plus de volume. On va justement ne pas laisser la forêt arriver entièrement à maturité au même moment, ce qui fait qu'on va avoir en permanence de très jeunes bois, des bois qui sont plutôt d'âge moyen, et puis ensuite des âges adultes et des âges matures. Sans oublier de conserver, bien sûr, tout ce qui est bois mort, trou de pique, enfin voilà, tout ce qui constitue l'écosystème. Le principe de la gestion douce, c'est vraiment d'avoir une régularité dans les prélèvements et du coup dans les revenus de la forêt, qui derrière, comme ce mode de gestion n'entraîne pas de gros investissements de plantation, d'entretien de plantation, etc. derrière, c'est aussi d'avoir des frais d'entretien qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on va avoir sur les plantations et sur la suite qu'on donne aux couperas en règle générale. Ce qu'il faut, c'est savoir doser et donner au bon moment la place qu'il faut à la régénération, à la suite qui arrive. C'est le printemps, on est sous un ciel bleu, il y a des bourgeons qui commencent à éclater sur les hêtres qui nous entourent. À quel moment de la forêt on est ? Bon, on est au réveil là, même en hiver, la forêt elle a sa propre vie, mais une vie en sommeil. Mais on est vraiment à une saison que j'adore, c'est l'entre-deux. Il y a l'émergence des premières feuilles d'un vert incroyable, d'un vert tendre, inimitable, et qui se perd très vite d'ailleurs. Au bout de 3 semaines, 1 mois, ce vert d'une incroyable beauté pour moi disparaît. Il est beaucoup plus terne. Il part vers le vert plus sombre qu'on gardera tout l'été, quoi. Et après, on retrouve cette symphonie de couleurs incroyable à l'automne, quoi, hein, avec les ocres, les jaunes, les bruns. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Et c'est ça aussi qui fait la grande différence entre peut-être une passion pour une forêt de feuillus comme celle-là. Bon, là, c'est du hêtre, mais ça pourrait être aussi une chênaie, hein, ou un mélange. Et des forêts de conifères auxquelles on n'est pas habitué ici à ces altitudes, hein. En France, normalement, les forêts de conifères, c'est qu'en montagne. Partout ailleurs, en plaine, si vous voyez des conifères, c'est qu'ils ont été introduits, ils ont été plantés. Et donc, pourquoi? C'est parce que ces conifères restent également verts toute l'année. Il n'y a pas ce changement de couleur, il n'y a pas cette vie qui est associée aux saisons. Et puis voilà, la forêt, c'est aussi fait de couleurs, c'est des sensations esthétiques, quoi. Il y a une ambiance très particulière de la hêtraie. Il y a quelque chose d'un peu magique dans les hêtraies qui est difficile à définir, qui vient peut-être de la forme tortueuse des troncs, une espèce de puissance comme ça du hêtre. Avec ses troncs massifs, denses. Moi, si j'y suis maintenant attaché, c'est parce que j'ai plus encore appris, plus que jamais avant, à apprécier le moindre être un peu atypique qu'on veut voir dans des forêts. Alors, je parle de forêts qui sont en exploitation. On trouve par-ci, par-là. C'est d'une grande chance de cette région. C'est comme il y a du relief, comme il y a des zones rocheuses. On trouve des êtres, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand on est monté ici, collés à des parois ou qui prennent des formes tortueuses ou qui sont carrément comme des arbres de mangrove sur des échasses. Et les hêtres, en plus, c'est des arbres qui réagissent beaucoup au vent. En fait, ils cassent facilement, ils font souvent des fourches. Une des deux fourches s'en va à la suite d'un grand coup de vent. Donc, ils ont aussi un grand intérêt pour les biologistes, c'est qu'ils font facilement du bois mort, facilement des cavités naturelles. Ils sont creusés par le pic noir, qui est le plus grand pic ici, qui vit et qui fait des grandes loges, pour y nicher. Puis ensuite, il va faire des loges ailleurs. Et donc, ces loges abandonnées sont utilisées par des tas d'autres oiseaux qui, eux, ne savent pas creuser. Et donc, tout ça fait que le hêtre, c'est un arbre pas comme les autres. Et en plus, je trouve qu'il y a une prime aux très gros arbres, une prime esthétique, une attirance. On sent l'énergie d'un arbre quand on voit un gros arbre, quoi, un diamètre d'un mètre, voire plus, c'est quand même quelque chose. On a envie de ceinturer l'arbre et de sentir qu'il est relié. Hein. C'est pas pour rien, je pense qu'il y avait des rites païens très anciens dans les forêts. Et que, on vient tous de la forêt, quelque part, en tout cas la forêt de l'Holocène. Donc il y a quand même ce lien entre la terre, le sous-sol et le ciel. Toujours la petite maison charbonnière qui a l'air de ne pas nous quitter, mais il y a d'autres oiseaux là. On a entendu le rouge-gorge là avec son chant un peu comme une espèce de cascade. Là. Des forêts en vie, avec Jean-Claude Génaud, Charles Stepanoff, Nathalie Nollet, Mathieu Calamon. Recherche musicale, Antoine Vuillioz, François Merlin. Documentation, Annelise Signoret, Vanessa Chang. Documentation, Ina, Sabine Dahuron. Lecture, Marie-Sona Condé. Prise de son, Olivia Branger, Olivier Dupré, Jacques Azubert. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Assia Ralid. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Tao Favre. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la forêt, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, une agriculture hybride à réinventer. Mais en attendant, restez à l'écoute.